Nalinga kayo, olinga kangai. Je ne vois pas pourquoi on peut pas se marier. Nalinga kayo, olinga kangai. Je ne vois pas pourquoi on peut pas se marier. Loberangai, makanisi na yo. Soki moteme lingi, faut pas compliquer la vie. Loberangai, makanisi na yo. Soki moteme lingi, faut pas compliquer la vie. Les gens aiment faire des commentaires, mais toi et moi, mon ami, c'est collé. Les gens aiment faire des racontars, mais toi et moi, mon ami, c'est collé. La décision est déjà prise, toi et moi, mon ami, c'est collé. Oui, la décision est prise, toi et moi, mon ami, c'est collé. Nalinga kayo, toi tu m'aimes aussi. Je ne vois pas pourquoi on nous pose des problèmes. Nalinga kayo, olinga kangai. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas se marier. Sinayo, soki moteme lingi, faut pas compliquer la vie. Depuis le temps que nous nous connaissons, il n'y avait personne pour nous dire que nous sommes frères et sœurs. Oh, depuis le début, il n'y avait personne pour nous dire que nous sommes cousins. Nalinga kayo, toi tu m'aimes aussi. Alors là, je ne vois pas de problème. Nalinga kayo, se marier. Lobelangai, makanisi na yo. Soki moteme lingi, faut pas compliquer la vie. Elle-même est déjà assez compliquée comme ça, sans avoir besoin de nous. La vie, la vie, la vie, la vie. Yeah. Ils vont parler jusqu'à se fatiguer. C'est succès.